est un monde en trompe-l'œil. Un monde d'apparence, un monde où je suis seul, prisonnier des choses, des contingences qui endorment un à un mes instincts créateurs et qui composent ensuite une terrible, une affreuse musique qui fait gagner la peur. Rend ma vie pathétique. Dans le couchant arrivent en régiment des bonheurs acharnés qui dévalent des torrents dans l'été triomphant. Je n'ai plus peur, je suis rêveur, je vois les choses en grand. Je n'ai plus peur, je reviens de l'oisan.